Un moment général, viens pour tout casser, lance une piste. Dans le commun général, en bas de vos cas, c'est reste in peace. Et l'ambiance pèse, ça déraille toute l'année dans ce train de vie désastreux. Les frères, le doute plane, moi je suis bon gars, démonter l'instru, laisse traîner le flow, ma folie fait le reste, rap, nos rêves meurent cliniquement. D'humeur grossière, madafak, je m'enterrais, la chronique monte là. J'écris, je liquide ma cam, je vais clair à crever, vu de la cave. Sur boîte vocale, on crée la classe, montrer l'avenir, traîne près de ma car. Au titre rapide, d'un reine, ma car, ma boisson blackout, scène mort cas. Mon cœur en boucle, rap, rime macabre, au micro, crime, écrit de ma car. En marche des chaînes, si marche les chiffres, marche en ça. En bas de l'échelle, on cherche déchirer le marchand de sable. On fonce à 4P4 en fiesta, passe les rapports, force la boîte. Et le temps passe et passe. Dans le siège, on s'enfonce et on se force à boire. Entre vrai, faux, j'ai plus, je ronds, je pense trop, j'ai bûché plus, je rote. Capuché, brique rouge, rapprime mes gifs de bûcheron. On se bougera tard pour l'appel des ronds dans les pupilles. A plus clair, grand jump, pit, bulle et bulle terrier, les coupés de bulle et bulle d'air. Max, wesh, face à l'addition, t'es seul. La vie, c'est décision, décès, deuil et décennie sans dessert. Hier, c'est l'aîné, demain, c'est tard. Le ciel teste et caresse les tempes. Le temps fait les sangles, le destin, les hommes charismatiques. On veut l'étoile, la rafa, farange, j'arrive plein. Phare sur la voie rapide, au palaf, monte la paf, les roule à trois feuilles grâce à ta life. Obstiné, troublé, c'est le trou noir entre mes synapses. Mais mon HP que je rappe, c'est pas possible. Là, y'a trop de syllabes, y'a trop de peine, de bruit dans le silence. Des yeux qui baignent dans le sel, hein. Des odeurs d'eb dans le zen. Les frères planent comme les aigles dans le ciel. On s'éloigne de jour en jour, on fera la paix loin de l'orage. On rame, j'ai le canon dans la voie pour vivre ce qu'il voit de garage. On rame. On a plongé dans le feu, finira par s'y noyer. Une mélodie, un billet pour partir ailleurs. Après la vie, je cours dans le vide. On finira par s'y noyer. Une mélodie, un billet pour partir ailleurs. Raison des appels à l'aide. Noyer dans un feu de forêt. Donner l'alerte, putain, m'attend des renforts. D'ailleurs, appelle-moi l'air, cette chanson nous rend fort. La route sous la verge, putain, m'attend des renforts. On a plongé dans le feu, finira par s'y noyer. Une mélodie, un billet pour partir ailleurs. Après la vie, je cours dans le vide. On finira par s'y noyer. Une mélodie, un billet pour partir ailleurs. Résonne des appels à l'aide. Noyer dans un feu.